الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الحمد لله مسبغ النعم ما ظهر منها وما بطن ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان في هذا اليوم المبارك الأغار السعيد خير يوم طلعت عليه الشمس نتدارس وإياكم في تتمة شباب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قصصنا بعضا من سيرهم العطرة وخصوصا سيرة أهل بيته الطاهرين قد خصصنا بالذكر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء الجنة وأمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها معلمة الرجال التي تحتل المرتبة الرابعة في الرواة رواة الأحاديث نواصل اليوم سلسلة هاته النسوة نسوة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم نتدارس وإياكم بعضا من سيرة الصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية الخزرجية المدنية النجارية من بني النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستشف منها العبر والعظات Mes chers frères, mes chers sœurs, nous avions évoqué des jeunes autour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, éduqués par lui dans cette première école muhammadienne, l'école de la beauté par excellence, la beauté à tous les niveaux, l'excellence à tous les niveaux. Et on avait vu en particulier quelques compagnons femmes, notamment des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment son épouse Khadija, et sa fille Sayyidatuna Fatima, qu'un ange spécifique est venu pour annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle et ses deux enfants sont les meilleurs, sont les seigneurs des gens du paradis. Eh bien, et on a vu aussi Aïcha, l'enseignante des hommes, qui était classée quatrième dans la transmission de la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons continuer aujourd'hui en parlant d'abord du statut de la femme, de l'importance qu'a donné le Coran et la sunna muhammadienne à nos sœurs et à travers également la biographie, une mini-biographie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, d'une sahabiya, d'une compagnon femme qui s'appelle Ummu Umara, qui était une des femmes les plus actives, les plus militantes autour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, éduquée par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette première école qui est l'école de notre dernier messager. يقول الحق عز وجل في محكم التنزيل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن هؤلاء كثير وقبل أن أدخل في التفاصيل لابد وأن أذكر أن الله تبارك وتعالى أنصف المرأة، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أنصف المرأة وعاملها أحسن المعاملة. قال عز من قائل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. فإن كرهتموهن ماذا تفعلون؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط كمال الإيمان بحسن المعاملة، وبالخصوص حسن معاملتك مع زوجتك. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن شهادة عائشة الصديقة بنت الصديق، وهي من داخل شهادة من الداخل من داخل بيت النبوة، فيما رواه مسلم في صحيحه، اسمعوا وعوا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده أبدا، لا امرأة ولا خادما، لا امرأة ولا خادما، هو قدوتنا، لم يضرب صلى الله عليه وسلم. كان حليما، كان صبورا، كان لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان حسن العشرة. وفي رواية الحسن وعائشة وغيرهما ممن عاصروه وعاشوا معه في الداخل، كان صلى الله عليه وسلم يمازحهم ولا يقول إلا حقا، يبتسم كثير التبسم، يعينهم على أمور البيت، حتى على أمور البيت يعين النساء، يخالط أهل بيته، يخالط الخدم، يجلس معهم، يأكل معهم، يخيط ثيابه صلى الله عليه وسلم بنفسه، يحلب شاته بنفسه، وهو من هو يسابق عائشة، يحنو على الأطفال. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن المعاملة حسن العشرة. ومن آخر ما أوصى به: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فهم النواة الأولى للمجتمع. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Je disais, mes chers frères, mes chères sœurs, déjà en guise d'introduction, nous devons savoir que les injustices commises contre nos sœurs, contre les femmes, ne sont nullement le fait de la religion d'Allah. Bien au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala nous impose le bon comportement, nous impose l'équité, la justice, la bienfaisance envers les femmes. Il leur donne tous leurs droits conformément à leur constitution. Isti'dad. Allah nous dit dans le Coran déjà: et comportez-vous, ô vous les hommes, de la manière la plus belle, la plus convenable avec les femmes. Et si vous avez une aversion envers votre épouse, et si vous avez une aversion envers votre épouse, qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit le Coran. Il nous dit: sachez alors que vous pouvez avoir une aversion contre quelqu'un, alors que ce quelqu'un est pour vous la source des bienfaits, de beaucoup de bienfaits. Il n'a pas dit quittez-les, non. Il a dit prenez sur vous-même, travaille sur nous-mêmes pour être dans la patience, dans la magnanimité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié même la foi parfaite au bon comportement, et notamment au bon comportement avec les femmes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique: le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse, et je suis le meilleur envers mes épouses. Le meilleur d'entre vous, ce n'est pas celui qui fait toute la nuit la prière et tous les jours le jeûne, non. Qui a le meilleur comportement envers son épouse. Pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs? Cet intérêt tout particulier pour la femme, parce qu'elle est pour l'islam le noyau dur de la société. Elle est la source du bien. La source de la vie même, c'est elle qui enfante. C'est elle qui te porte dans son ventre pendant 9 mois et qui t'allaite pendant plusieurs mois encore. La première relation, la plus intime, elle est avec ta maman. Le prophète Sama a même dit à la personne qui venait lui poser la question sur qui est le plus en droit d'être accompagné, d'être entretenu. Elle dit, ta maman. Ensuite il dit, et qui encore? Il dit, ta maman, deuxième fois. Et qui encore? Ta maman, troisième fois. Et puis ensuite ton père. Si cette maman, si cette épouse assume son rôle, toute la société sera bonne, stable, en paix. Le prophète Sama a su ça, et parmi ses derniers mots, sa dernière wasiya, avant de quitter le monde, prenez soin des femmes, prenez soin de nos sœurs. Et Sayyidouna Muhammad Sama a donné l'exemple par lui-même. Dans ce que nous rapporte Aïcha, à l'intérieur même de la maison, qui était dans sa famille, à l'intérieur, donc on a un témoignage de l'intérieur. Sayyidatuna Aïcha, dans ce que rapporte Muslim dans son authentique, il dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a levé la main sur une femme. Jamais. Jamais il a frappé de femme, ni de domestique. Jamais il a levé la main sur quelqu'un. Voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il était. Il était bienfaisant, il était doux. Il était dans la beauté de comportement. Tout le monde aimait se rapprocher de lui tellement il était dans cette douceur, dans cette magnanimité, dans cette patience. Allah a dit de lui qu'il était le plus doux. C'est par la grâce d'Allah que tu t'es montré doux envers eux. Et si tu étais un rustre au cœur dur, il se serait éloigné loin de toi. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donnait du temps à sa famille, du temps. Dans le rapport de Aïcha, d'El Hassan, d'Abu Saïd, des gens qui étaient à l'intérieur, il disait que Sayyidouna Muhammad Sama, à l'intérieur de sa maison, il donnait à manger aux bêtes. Il faisait le ménage. Il recommandait ses chaussures. Il se mélangeait aux personnes qui travaillent. Il leur donnait du temps. Il faisait lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, le ménage. Il faisait la couture lui-même. Il trayait sa chèvre, sallallahu alayhi wa sallam. Il cajolait les enfants. Il voulait même faire la course avec Aïcha. Il leur donnait du temps. C'est important de donner le temps à sa famille. Lui-même, il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa famille. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit des hommes avec un grand H. C'est-à-dire des hommes et des femmes stables, utiles, forts. Ça vient de là, le noyau dur, il est là, dans la société. Et dans la continuité de ce que je suis en train de dire, l'exemple de Umm Umar. Pourquoi je donne cet exemple? Pour qu'on puisse savoir que la femme, déjà à l'époque du prophète, première école, avait déjà tous ses droits. Elle occupait les plus hautes fonctions. Les plus hautes fonctions. قلت إن أم عمارة نسيبة بنت كعب الخزرجية الأنصارية كانت هي وأهل بيتها نعم المثال نعم النموذج في الإخلاص إخلاص المحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم في حفظ الحديث بل وحتى في جهاد المعتدين مع رسول الله هذه امرأة هي وزوجها وابنيها حملت السيف ركبت فرسها وحملت سيفها دفاعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيبة شهدت بيعة العقبة شهدت أحد شهدت الحديبية شهدت حنين ثم شهدت موقعة اليمامة أخواها عبد الله وعبد الرحمن عبد الله كان من البدريين وعبد الرحمن كان من البكائين الذين نزلت فيهم الآية من سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شهادة في حقه. هي من الأنصار الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويوم أحد جرحت رضي الله عنها جرحت 12 جرحى، 12 جرحى منها جراح خطير، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها عبد الله أن يضمضه وقال لها أنت يا نسيبة مقامك يا نسيبة خير من مقام فلان وفلان وفلان، مقامك خير من مقام فلان وفلان وفلان وفلان. دي امرأة، فمن ذكائها وفطنتها قالت له يا رسول الله اسأل الله أن أكون أنا وأهلي من رفقائك في الجنة. فسأل صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أن تكون هي وبنيها وأهلها من رفقائه صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقالت ما يهمني من الدنيا بعد هذا، ما يهمني من الدنيا بعد هذا. أم عمارة شهدت مواقع كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفها، بسيفها أقول، وهي تمتطي جوادها وكانت قوية تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحمل المخاطر تفديه بنفسها وهي مع زوجها وأبنائها. وقد أرسل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب ابنها حبيب لكي يدعوه إلى الخير، يدعو مسيلمة الكذاب إلى أن يعود إلى رشده. فما كان من مسيلمة الكذاب إلا أن قطع حبيب إربا إربا. فماذا فعلت أمه أم عمارة؟ صبرت واحتسبت ولم تجزع. وفي عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه استأذنت الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، في الخروج مع جيش خالد بن الوليد ضد مسيلمة الكذاب، فأذن لها وأوصى لها بخير وهي قد جاوزت 60 عاما. فجرحت 11 جرحا في موقعة اليمامة وقطعت يدها، هذا كله في سبيل الحق، وهي امرأة. ثم عادت سالمة غانمة وقد انتصر المسلمون. وكان عبد الله بن زيد من الجيش وهو ابنها، وسيقتل في موقعة الحرة. وماتت رضي الله عنها وأرضاها بعد هذا التاريخ الحافل بالأمجاد وبالخيرات وبالتضحيات وبالبذل في السنة 13 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورضي الله عنها تعالى وأسكنها فسيح جناته قرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Je disais donc, avec cette histoire, cette petite histoire de Umm Umara, nous allons voir déjà comment les femmes à cette époque-là occupaient toutes les fonctions sans exception, avaient tous leurs rôles. Umm Umara a été l'exemple de la femme d'abord savante, de la femme scrupuleuse, de la femme patiente, de la femme magnanime. Elle a participé avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs événements. D'abord, le pacte d'allégeance de l'Aqaba. Elle a donné allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le peu de monde qui était avec lui, malgré la faiblesse des musulmans. Et ensuite, elle a participé à Uhud. Elle a participé à Hunayn, et Al-Yamama, entre autres. Dans la bataille de Uhud déjà, contre les oppresseurs, contre ceux qui voulaient en découdre avec l'islam, contre ceux qui voulaient tuer Sayyiduna Muhammad, elle était là pour le défendre. Avec son épée, vous imaginez, et avec son cheval, elle a défendu Sayyiduna Muhammad au point de cumuler 12 blessures, dont une grave. Omar. Le prophète a demandé à son fils Abdullah, fils de Omar, de panser ses blessures. Et il a dit: ta station, ô Omar, est meilleure que la station d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. Et il a dit, regardez l'intelligence de cette femme, et il a dit: ô messager d'Allah, moi je ne demande qu'une chose, de t'accompagner moi et ma famille. Quand on sera au paradis, on veut être près de toi. Et le prophète sallam a demandé à Allah qu'elle soit aussi parmi ses compagnons au paradis. Et elle a dit après cela, que m'importe ce bas monde. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé comme ambassadeur, comme émissaire de paix à un certain Musaylama l'imposteur qui avait prétendu la prophétie et qui voulait en découdre avec Sayyidina Muhammad, avec les musulmans. Il avait tué beaucoup de compagnons, il avait assassiné sauvagement beaucoup de compagnons. Sayyidina Muhammad a voulu d'abord le raisonner. Il lui a envoyé Habib, fils, l'autre fils de Umm Umara. Et Habib, il est venu comme messager à ce Musaylama l'imposteur. Musaylama lui dit: est-ce que tu attestes que Muhammad est un prophète? Il lui dit: bien sûr. Il lui dit: est-ce que tu attestes que je suis un prophète? Il lui dit: non. Et Musaylama l'a décapité. Il l'a tranché en petits morceaux. Wal'iyadu billah. Sauvage, un acte sauvage, barbare. Umm Umara fut patiente. Umm Umara s'est remise à Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à cette épreuve énorme. C'est un fils. C'est sa chair. Et malgré cela, elle a été patiente, endurante. Et ensuite, elle a participé à d'autres événements. Et déjà dans cet événement, elle a été blessée 12 blessures, dont une grave. 12 blessures. Dans l'événement de Uhud. Par rapport à l'Yamama, comme j'ai dit, quand le prophète m'a envoyé son fils Al-Habib, et qu'il a été sauvagement assassiné, il fallait attendre la khalifa, la khilafa de Abu Bakr, le premier calife. Et sa campagne contre Musaylama al-Kadhdhab, pour qu'elle demande l'autorisation au calife Abu Bakr de participer à cette campagne. Elle avait plus de 60 ans, cette femme. Et elle a participé à Mawqi'at al-Yamama contre Musaylama l'imposteur. Elle fut blessée 11 blessures. Elle a perdu sa main. Elle a eu la main coupée. Et malgré cela, elle s'est prosternée à Allah tabaraka wa ta'ala en sujoud pour le remercier de la victoire des musulmans contre cet imposteur, contre ce sauvage, contre cet oppresseur. Et elle a été d'une dignité incroyable, puisque pendant tous ces moments-là, elle n'a rien demandé pour elle. Elle n'a rien demandé pour elle, ni richesse, ni pouvoir. Elle a été dans l'abnégation, dans l'amour pur pour Sayyidina Muhammad sallam et pour la cause de l'islam. Elle a participé à tous ces combats et elle s'est éteinte, radiyallahu anha, que Dieu l'agrée, à la 13e année de l'Hégire, pendant la khilafa, début de la khilafa de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, avec une vie pleine, comme vous l'avez vu, de position digne, noble, courageuse, mais pas seulement, également de science, parce qu'il a rapporté du prophète sallam plusieurs hadiths, et son fils, Abdullah ibn Zayd, qui va être tué dans la bataille d'Al-Harra, contre les Médinois, en défendant Médine, eh bien, c'est lui qui a rapporté le hadith des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu ma tasma'un وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينفعنا بما سمعنا إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. Nous venons de parcourir de façon brève l'histoire, la biographie d'une grande figure féminine autour de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. كنا في سماء نحلق في سماء أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها نستشف العبر والعظات. هذه امرأة في ذلك العهد الذي كما تعلمون كان عهدا قريبا من جاهلية الجهلاء، ومع ذلك الإسلام جاء ليعطي الحق الكامل للمرأة والاعتبار الكامل للمرأة والدور الطرائع للمرأة. هذه أم عمارة كيف دافعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفها، بجهادها، بعلمها، بصبرها، باستماثتها، بحلمها، بذكائها. Voici donc un exemple qui nous montre encore une fois la grandeur de ces femmes, qu'ils étaient meilleurs que plusieurs hommes. Comme le prophète lui a dit, maqamu fulana khayrun min maqami fulan, fulan wa fulan. Une femme qui compte en valeur plusieurs hommes. Et ça me rappelle également la petite histoire de cette femme qui a interrompu Omar en plein prêche quand il a voulu normaliser les dots. Et Omar est revenu sur sa décision. Il a dit, cette femme a raison, devant tout le monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous assistons à un phénomène qui me semble assez extraordinaire. L'islam est à la base de la première charte écrite, la constitution de Médine, la première charte humaine des droits de l'homme et des femmes. Il a donné à chacun ses droits, selon sa constitution, selon sa prédisposition. Mais nous les hommes, beaucoup d'entre nous, sont dans l'injustice et l'abus. Et on veut mettre ça sur le dos de notre religion. Et ça crée évidemment une mauvaise image de cette religion. Et aussi, ça crée des extrêmes, ça crée des revendications extrêmes. Donc, revenons à notre belle religion. Revenons à la bonne compréhension du rôle de nos sœurs, au respect à nos épouses, à nos sœurs, à nos mamans, dans leur rôle que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète leur a donné, qui est d'être dans les plus hautes sphères, d'être en complétude, en complément avec nous, dans toutes les situations. Puisque, je viens de vous le dire, cette Umm Umara, cette compagnon, elle a été même dans les situations les plus périlleuses. Elle a pris part à ces situations. Aïcha, elle était l'institutrice, l'enseignante des hommes et des femmes. Elle est dans le top 5 des transmetteuses du hadith. Pourquoi on a régressé? Pourquoi on vient nous donner des leçons aujourd'hui? Après tant de siècles de civilisation lumineuse, après tant de siècles de respect de la femme, au point que nous, les musulmans, les Européens au Moyen-Âge, nous disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple qui donne autant d'intérêt et de respect à la femme? On voyait les femmes dans des chaires en train de donner des sanades, des cours de hadith, des cours de fiqh. On avait des faqihat, on avait des muhadithat dans les chaires qui avaient donné des ijaz à bien des hommes. Et tout cela disparaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un islam d'avant et un islam d'après? Y a-t-il une rupture génétique entre nos ancêtres et nous pour qu'on puisse avoir tout ce dédain pour la femme et la priver de ses droits que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète lui ont donné? Donc faisons très attention à ce point sensible. Parce que si nous, on méprise la femme, si nous, on abuse, qu'est-ce qui va se passer après? C'est toute la société qui va être déstabilisée. C'est toute la société qui va être dans le déséquilibre. C'est la porte ouverte à la fitna. À la fitna. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec certaines revendications qui me semblent très extrêmes et très éloignées de notre belle religion. Donc, revenons tout simplement à la bonne compréhension de cette religion. Ne lésant personne dans ses droits. Revenons à Allah, tabaraka wa ta'ala, par un repentir sincère et faisons chacun de nous, moi, toi, lui, chacun de nous, son examen de conscience. Est-ce que je suis juste avec mon épouse? Est-ce que je suis juste avec ma sœur? Est-ce que je n'abuse pas? Est-ce que je ne suis pas en train d'enfreindre ce que Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit par rapport à la bienfaisance, par rapport à la douceur, par rapport au bon comportement, par rapport à l'entraide mutuelle qui doit exister entre toi et ton épouse, entre toi et ta sœur? C'est très important qu'on fasse cet examen de conscience. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا الفهم الصحيح لهذا الدين. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension de cette belle religion pour qu'on puisse la représenter dignement, pour qu'on puisse être les ambassadeurs de la beauté, les ambassadeurs du meilleur comportement, les ambassadeurs de ce que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu transmettre à cette humanité comme valeur noble. Qu'Allah fasse de nous une valeur ajoutée dans ce pays et dans tout pays. Allahumma ja'alna ya arhamar rahimin khayra sufara li hadha ad-din bil jamal jamal al-khuluq jamal al-zahiri wal-batin jamal al-zahiri wal-batin. Allahumma ja'alna khayra sufara li hadha ad-din bil hali wal-maqal bil hali wal-maqal. اللهم يا أرحم الراحمين زقنا حسن المعاملة مع زوجاتنا مع بناتنا مع أخواتنا. الله تبارك وتعالى nous donne l'excellent comportement, la douceur avec nos épouses, avec nos sœurs, avec nos filles. الله تبارك وتعالى nous aide à les élever, à élever nos filles et nos garçons selon le modèle de سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن تربية أبنائنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا في حلنا وترحالنا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا مكروبا إلا فرجت عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. لما يسر أمورنا وقوم اعوجاجنا يا شفيق يا رفيق ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق ولا تحملنا ما لا نطيق. اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها. ألطف بنا في قضائك وقدرك ألطف بنا في قضائك وقدرك ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك لطفا يليق بكرمك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لما أطفئ نار الفتن اللهم أطفئ نار الفتن اللهم أطفئ نار الفتن في مشارق الأرض ومغاربها ما ظهر منها وما بطن. كالله تبارك وتعالى nous donne la paix dans ce pays, dans notre pays, la sérénité, la prospérité, la paix durable dans le monde entier. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse régner la paix dans le monde entier, nous éloigne de la fitna, nous éloigne de la terreur, nous éloigne de l'horreur du terrorisme, nous donne la paix et le bien vivre ensemble dans nos sociétés plurielles. اللهم يا أرحم الراحمين ولاة أمورنا اصلحهم واصلح على يدهم وارزقهم البطانة الصالحة وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه واحسن خواتمنا يا أرحم الراحمين في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم لنا بالحسنى وزيادة اللهم اختم لنا بالحسنى وزيادة اللهم اختم لنا بالحسنى وزيادة هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا وطبيبنا وقدوتنا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.